12e leçon. Un tour dans Paris. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je suis votre guide. Alors, commençons ici par la place du Panthéon. À ma droite, vous voyez le Panthéon même. Et à ma gauche, l'église Saint-Étienne-du-Mont. Pardon, monsieur, dit un touriste, mais où ? Tout à l'heure, répond le guide. D'abord une église, le Panthéon... S'il vous plaît, monsieur, dit le même touriste, mais où sont ? Mais laissez-moi terminer, je vous en prie, répond le guide. Mais monsieur, c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Où sont les toilettes ? Exercice. Monsieur Legros habite Paris même. Oh, excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Je vais vous le dire tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Pardon, monsieur. Où est l'église Saint-Étienne-du-Mont ?